Bienvenue au 35e épisode du podcast des mots. Le podcast des mots est une présentation des mots. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety créée par Twin Musicom, dont vous pouvez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au lepodcastdanou.blogspot.ca, discuter sur le forum lepodcastdanou.probb.fr et nous rejoindre par email au lepodcastdanou@hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je parle aujourd'hui de Star Wars The Last Jedi. Après un film sympathique, mais sans plus, qui m'avait surtout donné l'impression de fanservice, un hors-série ennuyant dont le seul intérêt est le peu d'abus d'effets spéciaux numériques, je n'avais pas de grandes attentes. Ce qui est une bonne chose, cela m'a permis de mieux apprécier le film. De manière générale, le film est assez bien. Il souffre de quelques longueurs et quelques incohérences de son scénario, mais reste divertissant. Suffisamment divertissant pour rester en général intéressant. Certaines erreurs, certaines scènes, certaines incohérences m'ont causé problème. Mais bien souvent, ça allait. Si vous vous souvenez de mon système de cotation, qui est sur 5, je donne 5 à un chef-d'œuvre, 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, 3 à un divertissement honnête, 2 à une œuvre moyenne, 1 à une œuvre mauvaise, et 0 à une nullité, telle que Monsieur Trump. C'est du Star Wars, pas du grand chef-d'œuvre. Divertissement très sympathique auquel je donne une note de 3 sur 5. À la prochaine!